essentiel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Il est 13h30 minutes. Voilà le retour du mardi après-midi. Et oui, donc déjà tout simplement, et bien la dernière semaine du mois d'août, ça passe aussi très très vite. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Pour moi, ben, ça passe bien. Je suis avec vous jusqu'à 17h avec toutes sortes de chansons. Sans tarder, bien je vous laisse avec du côté des chansons et je vous laisse avec une chanteuse tout simplement, elle s'appelle Isabelle Boulay. Et puis juste après elle, eh bien faire un petit tour avec le blues. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Parle-moi. just got back, and I'm looking for that place they call the Chicken Shack. They say it's fine as wine, and it's really on a ball. No windows, no doors, it's just a hole in the wall. Chicken once more is a cinch. You can even get the last part that went over the fence. Yes, they say it's a place where all the bad cats meet. You better be mighty careful when you take a seat. Let's have a ball. Come on, all you fellas, and take a drink from my pack, 'cause the party's ready to start down at the Chicken Shack. When I get the blues, they get me a rocking chair. Well, the blues overtake me, gonna rock right away from here. Now when I get lonesome, I jump on the telephone. When I get lonesome, I jump on the telephone. I call my baby, tell him on my way back home. Flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Give me one more kiss. Hold it a long, long time. Give me one more kiss. Hold it a long, long time. Now love me. Baby, do the feeling, hit my head like wine. Here comes my baby, flashing a new gold dude. Here comes my baby, flashing a new gold dude. Well, she's so small, she can mumble in a payphone booth. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop and fly. I don't care if I die. I don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Mississippi bulldog sitting on a hollow stump. I got so many women, I don't know which way to jump. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I

where the skies burn gold. There's a girl with a heart worth more than gold. Her smile's like the sunrise, her laugh's like a stream. She's the kind of love that fills your dream. With my hands on the reins and my heart in the sky, I trade my gun to keep her by my side. Texas girl, you're my one true thing. Whispers her name to me. A Texas girl as wild as the open sea. She's got fire in her eyes, but her touch is sweet. Every dream I've had leads me back to her feet. With my hands on the reins and my heart in the sky, I trade my gun to keep her by my side. Texas girl, you're my one true thing. You're my love, my life, my dream. When the road gets rough, nights run cold, her love's a fire that never grows old. She's my reason, my rhyme, my everything. With her by my side, I can face anything. With my hands on the reins and my heart to keep her by my side. Texas girl, you're more than you see. Forever and always, you'll be my dream. Out in Texas, neath the stars so bright, I hold her close through the endless night. Texas girl, you're more than you see. Forever and always, you'll be my dream. a song that's always left unfinished in rhyme. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec Chris Anderson et puis suivi avec le même titre tout simplement de lui en accordéon et puis juste après ça sera le Madison en medley. Bye-bye. last night. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Avec bien sûr toutes sortes de musique et puis je vous amène dans le pays Nong. Voici donc eh bien quelques chansons des Mong.

sais qu'il y a des zones que la radio ne capte pas. Mais toi, t'es sur la bonne fréquence. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et tout à l'heure, on était dans le pays avec le monde, et tout simplement écouter les chansons monde. Et là, on va faire un petit tour du côté de Roumanie, avec quelques chansons de Roumanie, dans le pays Roumanie. Et puis juste après, ce sera tout simplement et bien avec les Gypsy Kings, un remix. vorbește, orice lipă îți dorește, da. Respecto y etiqueta, da, da. Tata urmașii. puta de nevoți, să iubești la fel pe toți, să iubești la fel pe toți. Da, averea ai cui să nași, ți-am făcut tată urmași, ți-am făcut tată urmași. Și iubită și frumoasă, cu bărbat de vreme acasă, ce familie frumoasă. Am și băiat, am și fată, ce familie bogată, n-aș vrea să mor niciodată. Alors, on attend pas Patrick? Ah ok d'accord, Davichi. Ça va être du grand. Cyberbob in the mix. In the mix. Il s'agirait d'un petit homme style Alain Delon, en débardeur rose et string bleu. Je pense qu'on peut démarrer l'apéro. T'es sûr que tu veux pas goûter le Benko? Moi je bois ça, j'adore ça. Allez. Un bon geste et Jacques Valorez. Bah, tu veux pas leur chanter quelque chose là? A cappella? Non, ici. In the mix. más y me pintaba la mano y la cara de azul.

Solo separo si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído. Dime que me quieres, yo nunca me he ido. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Change de style de musique, voici donc bien du rock'n'roll et juste après Hervé Villard. Regarde le ciel, oh mon ami, écoute le vent de la prairie, toi qui es si loin de moi, la nuit pour moi te parlera. Ma voix, oh mon amour, je crois chaque nuit à ton retour, toi qui es parti très loin là-bas, je sais qu'un jour tu reviendras. Les vents qui soufflent te le fuient, je suis fou de toi, ma chérie. We'll

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Avec bien sûr toutes chansons différentes, et puis tout à l'heure on a pu aller écouter les chansons du côté de Mong et puis aussi du pays Roumanie. Et bien maintenant je vous amène du côté du pays du Thaïlande. Donc ben, je vous laisse avec bien sûr quelques chansons de ce pays. Voici donc bien quelques chansons de Thaïlande.

au ciel, je t'apporte les nouvelles. Et te cache mon immortel sous mes sourires artificiels. Comme une prière silencieuse, j'aimerais te voir revenir. Mais ton absence creuse le fossé du souvenir. Tu vois ces quelques mots qui s'envolent pour arriver jusqu'à toi. Et par-dessus mon épaule, je sens ta bienveillance comme un souffle qui me frôle quand je cherche ta présence. Sur le papier, ma vie et le temps qui passe pour te le faire partager. J'aurais voulu te parler, mais les mots ne sortaient pas. Silencieux comme tes yeux qui me disaient d'être forte ce soir-là. Dans le sillon de ta vie, oui, je voudrais tant. j'entends tes pas dans le battement de mon cœur et je sens tes bras qui m'entourent de douceur. Est-ce que tu reviens? Le regard tout plein d'espoir. Si fort, toi qui me donnes tant de bonheur. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voyager un petit peu dans les régions. En premier, on va faire un petit tour la chanson avec du côté la Bretagne. Et puis juste après, avec du côté les Tyroliens. Et puis juste après, c'est deux chansons différentes avec le pop rock. Toi prévu cet été, ici tu vas voir, c'est trop cool, de la galette à volonté, ou alors un bon plat de moule, et puis t'as pas besoin de payer, pour aller d'un bout à l'autre, pas de péage à te faire chier, pour finir dans le vieux Saint-Malo. Oh, la Bretagne, ça nous gagne, pas besoin de partir au bout du monde. Oh, oh. Des endroits formidables, car le meilleur se trouve chez les Bretons. Te balader à Dinan, à Dinard ou à Cancale, du chouchène de temps en temps et un bon petit cougnaman. Mais y a tellement de choses à dire sur cette belle et grande région. Alors avant de venir, chante avec nous cette chanson. La Bretagne, ça vous gagne, pas besoin de partir au bout du des endroits formidables, car le meilleur se trouve chez les Bretons. Et n'écoute pas tous ces guignols qui se prennent pour Monsieur Météo. Ils ont juste un peu le seum, qu'ici il fait quand même beau. Et puis chez nous y a la mer, les huîtres et puis les bateaux. Et comme le dit le proverbe, il ne pleut que sur les cons. La Bretagne, ça vous gagne, pas besoin de partir au bout du monde. Des endroits formidables, car le meilleur se trouve chez les Bretons. La Bretagne, ça vous gagne, pas besoin de partir au bout du monde. Des endroits formidables, car le meilleur se trouve chez les Bretons. La Bretagne, ça vous gagne, pas besoin de partir au bout du monde. Des endroits formidables, car le meilleur se trouve chez les Bretons. chanson, l'écho chante avec moi en duo. Je chante un peu plus haut, qui me renvoie l'écho, et le chante toujours avec moi. J'ai mis mon beau chapeau, mon chapeau tyrolien, voilà que je chante très bien. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. L'après-midi, on a pu entendre eh bien, le tropical. Eh bien, je vais vous laisser avec deux titres. Tropical et puis suivi avec le zoo. Es sagt tief von meiner Herz, vielen Dank für euch. Ich liebe euch!

Money, femeia,

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. C'est maintenant que ça s'enflamme. Il est 16h52 minutes. Eh bien, c'est sur cette chanson qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver donc, eh bien, mardi prochain. Mais aussi, on se retrouve aussi vendredi, et puis aussi, on se retrouve pour le dimanche, pour l'émission de l'accordéon. Voilà donc, eh bien, terminé cette émission-là, avec cette chanson, et puis on se retrouve donc, eh bien, vendredi, et ainsi, mardi prochain. Bon sang à tous et à toutes. Ven y baila y hazme enloquecer. Yo soy tu hombre.